toutes nos paroles, ça même c'est plus qu'en parabole. Comme Azovin, très charmante, moi pas de supposé si t'as mis en. Bon, le dit soit il était très tamoué, t'es chitant, t'as fait guitare. Quand on s'est un esprit dodo, t'es sa vie ni comme Tomazo. A la yon petit côté, mais oui, monsieur, c'est Tomazo. Si ou Jean-Jean va remer, tout ça yo dit, il faut l'accepter. Moi pas fin faire viso, moi pas mon Tomazo. Ça même c'est plus qu'en parabole. Tomazo vint très charmante, même pas de supposé s'il t'amusant. Vendredi soir il était très tamoué, t'es chitam, tape de guitare. Quand on s'est un esprit d'auto, t'es sa vini con Tomazo. A la yon belle côté, mais oui monsieur c'est Tomazo. Si ou j'en j'en va remer, tout ça yon dit il faut l'accepter. Moi pas vint faire viso, moi pas mon. Tomazo non pas le marié, mais mon Tomazo, yo pari mezzo, Tomazo, on fait viezo, mais mon Tomazo, yo pari mezzo, mais Tomazo, on nous fait viezo. Dégage au toma, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo,